Le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple fait part de la protestation continue des Sud-Coréens contre la disposition de Saad américain. Le 23 courant a eu lieu sur la place de Chonghae à Séoul un meeting à la bougie des citadins de toutes les couches, tandis qu'aux environs de la rivière Chonghae, un rassemblement des étudiants.